rhythm of life. Le rythme des lives. Le rythme de notre évolution. Le rythme of our evolution. À travers les espaces intérieurs et extérieurs. Across interior and exterior space. We are being increasingly conditioned. Nous nous conditionnons sans by cesse. Our surroundings. Wir begegnen ohne unter vos épanouissements. Eindruck, Erfahrung, by realizing and perceiving. L'espace représente une chambre. Space represents a room, la campagne, a country, la musique, music, l'esprit, the spirit, the guy, la vie, life, das Leben, la mort, death, le plateau, la planète, planets, les galaxies, galaxies, le monde, the worlds, die Welt, the universe, das Universum. Wir durchqueren unser Verständnis. Perceiving traversons une nouvelle dimension. Between the just and unjust, percevoir entre les idées visuelles, you are offered fluid a multitude of new dimensions, et auditive, sensitive to visual and auditive, entre les idées visuelles, illusions, you are passing, l'espace intermédiaire, relationship, from darkness to light, un zimmer, spirit, die Dunkelheit, life, la mort, death, das Licht, planets, les galaxies, the galaxies, das Zimmer, der Tod, worlds, l'univers, the universe, between is the celestial ocean, l'océan céleste.